na nifo, nifo. Basi ile de hale ushangebe ile de hale karna nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo. J'fais mon taf, j'rappe ralenti. Commencer tout en bas alors qu'on visait tout en haut. Je me rappelle qu'on nous disait qu'on n'avait pas les niveaux. Mais non, s'en foutait, on posait grave sans s'arrêter. Quand tout allait mal, c'était mon calme à le rap game. Aujourd'hui ça paye, t'inquiète pas pour la mixtape. Et si t'en veux du buzz, appelle-moi Imekwane. Pas besoin de money, si fier j'fais mon business. T'inquiète pas pour moi, je pense le jour de lendemain. Je regarde avant traverser, normal, j'suis avec mes mains refrées. Regarde autour de moi, j'suis entouré de mes garants refaits. Appelle-moi Tex OYBM ou bien une business. Ah, Tex OYBM. Hale wantu warongo wakarina nifo, nifo. Basi ile de hale ushangebe ile de hale karina nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo. Tres OYBM. On a commencé en bas avec les GLM. New Wanga vide wa korongowa. Young business il a la kaina niveau. Sas devant tous les autres bien assis. Sous le trône, pas de fire, pas de vermine. Wade havi wala korongwa karna niveau. T'inquiète, lui wala tamaska niveau. Black Thor, avec au poignet ma Rolex. La récompense du vainqueur à l'arraché. Lil New TH, Tres Olek Money. Young business, bitch, irina niveau. Ah, Tres OYBM. Hale wantu warongo wakarina niveau, niveau. Basi ile de hale ushangebe ile de hale karina niveau, niveau. Habasi jisa leo Young bio ya de hap. Na nifo, nifo, habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo. Wami jangu wami lhos. Demana wantu wengwa njisamba misenda kos. Neka utoni wone tengele ya tela post. Langwi zinyi ata wami sirwa tena boss. Kundi vuli kami teya nivo. Music nyengi wami zrema wala tala likol. Mabiti zoni venza wala bish. Mana wama vinga rende tena shedi bish. Leo maiz wamiz gawarish. Ata ni senshi feje mana mzola tala biz. Neka utoni yunge lazmu plaweke nangiz. Ata utengele yo jomu pare on Louis. Tres OYBM. Hale wantu warongo wakarina nifo, nifo. Basi ile de hale ushangebe ile de hale karina nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo, nifo. Habasi jisa leo yumbiyo ya de hap. Na nifo.